Ici les secondes s'écrasent lourdement entre éclaircies et gouttes de pluie. Le temps s'écoule. Maintenant que la solitude a repris son pouvoir, rien ne semble plus pouvoir m'émouvoir. Parfois je parle encore avec elle dans mes pensées. Je n'ai plus aucun rêve enflammé. Mon sol et l'ennui créent amorosité. Mon sol, comme si le le froid s'étend comme un gel nucléaire parmi les ruines figées. Résultat de la guerre, et on peut voir les morceaux de mon cœur étalés par. À chaque coin de rue que les lampadaires éclairent. Oh mon sol, et l'ennui créa l'amorosité. Mon sol, comme si le monde était pareil. comme si le monde était paralysé. L'hiver est tombé, l'amour s'en est allé. Yeah.